Je décode, tu décodes, nous décodons tous. Mais elle aurait dû être avec nous, c'est vrai. 18h50, Antoine Fontanelle de la boucherie Ovalie. Laissez-le parler, ce garçon. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir, Aurélien. Bonsoir à tous les supporters des champions de France pour encore un mois et puis aux autres aussi. Attention à ce que tu vas dire. Voilà, j'ai peur. Hein, il paraît qu'on vous a pas mal parlé de Roro quand même ce week-end. Ah, ça, ouais. Quand j'ai dit que j'allais faire une chronique face à Monsieur Rougerie, on m'a demandé de lui rendre hommage en faisant passer plein de messages. S'il te plaît, Antoine, dis-lui que c'est un grand joueur, comme s'il le savait pas. Dis-lui qu'il m'a fait rêver avec tel essai contre telle équipe. Antoine, demande-lui de te donner le caleçon qu'il porte sur lui. C'est pas Roselyne Bachelot qui m'a dit ça, par contre. Et là, je vous vois tout gêné par rapport à cette histoire de caleçon, mais c'est encore plus gênant de savoir que c'est ma mère qui m'a dit ça hier soir. J'imagine que c'est ce que vous allez faire. Demander son caleçon? Non. Quand même, Jean-Luc, on est sur une radio sérieuse, je vais pas le faire. Enfin, pas l'antenne, après on verra. Non, je parlais de lui le rendre hommage. Bon, je préfère. Bon, allez, je me lance. Monsieur Rougerie, surnommé Roro par les supporters de l'ASM et Michael par ceux qui n'ont pas saisi le principe d'un surnom. Quand vous avez signé votre premier contrat professionnel, j'avais 7 ans. Bam, l'hommage qui commence bien en rappelant à la personne qu'elle est vieille maintenant. Pour moi, le rugby à l'époque, c'était juste des mecs qui faisaient des tas sur un ballon pas très rond et à la fin, on disait qu'un des deux, avec une des deux équipes avait gagné sans vraiment savoir pourquoi. Et aujourd'hui, c'est pareil en fait, sauf que j'y associe l'alcool, ce qui me permet de croire que je comprends pourquoi telle ou telle équipe a gagné. À l'époque, on vous appelait le Jonah Lomu Blanc. Sauf que vous êtes clairement au-dessus de lui, parce que vous, jamais vous vous abaisserez pour aller jouer à Marseille. Enfin, sauf si c'est au Vélodrome pour ridiculiser la défense du Stade Toulousain, comme en 2007. Aurélien, vous êtes aussi l'arrière qui a montré qu'il pouvait être avant, en jouant troisième ligne contre l'UBB en 2016, alors que certains n'ont toujours pas compris que c'était à ce poste de flanqueur qu'il devait jouer, plutôt que de s'obstiner à être centre. Permettez-moi de préciser que toute référence à Geoffrey Doumerou ici est parfaitement volontaire. Et assumée, bien sûr. Aurélien, à vous voir, on ne peut être qu'optimiste, parce que pour en arriver là, vous avez dû franchir nombre d'obstacles. Vous avez dû fédérer le peuple gaulois, puis mener celui-ci vers une guerre sans pitié face à l'envahisseur romain. On dirait pas comme ça, mais vous avez survécu à Gergovie et aussi à... Antoine, je pense que vous confondez avec un certain Vercingétorix. Je sais que je confonds avec lui, mais laissez-moi quand même croire à la réincarnation. Par exemple, je suis persuadé que Lorenzetti a été Ponce Pilate dans une autre vie, quand Thomas Savard était Judas. C'est un point de vue personnel. Mais bon, comme personne ne semble me suivre ici, on va se concentrer sur la vie que vous avez actuellement, Aurélien. Vous avez donc survécu à une défaite en Italie, à Marc Livremont, à la beuverie post-premier Brennus de l'ASM, au selfie de radeau. Bref, vous avez tout connu, les joies comme les peines. Et maintenant, Vlatipak, vous sortez un livre, comme pour faire oublier le fait que vous n'avez pas laissé de traces pendant la guerre des Gaules contre César, alors que Antoine, arrêtez avec ces histoires, ces références, vous recommencez là. Non mais sérieux, vous y croyez pas? Vous avez vu la ressemblance avec la statue Place de Jaune? Non mais c'est le soir de finale, c'est le seul type à être à la fois sur l'écran géant et au milieu de la foule en même temps. Il a le pouvoir d'ubiquité. Alors je précise pour les avants qui nous écoutent que l'ubiquité, c'est comme quand vous avez trop bu. C'est comme quand vous avez trop bu en troisième mi-temps et que vous voyez deux videurs au lieu d'un en face de vous. Bref, Aurélien, vous êtes grand, et même si on maintient que vous n'êtes pas la réincarnation de Vercingétorix, je sais qu'un jour il y aura une statue à votre effigie à Clermont-Ferrand, et dans un futur proche, quand je serai au Michelin avec mon enfant de 7 ans, pour qui le rugby ne se résume qu'à des mecs qui font des tas sur un ballon pas très rond et qu'à la fin on dit qu'une des deux équipes a gagné, sans vraiment savoir pourquoi, quand ce petit gamin me demandera pourquoi la tribune où nous sommes assis s'appelle Aurélien Rougerie, je lui raconterai votre histoire et je finirai par ces mots. Et un jour, j'ai essayé de lui rendre hommage en faisant une chronique devant lui à France Bleu Pays d'Auvergne pour la fin de sa carrière. Et ça a aussi été la fin de ma carrière radio. Parce qu'on avait jugé que cet hommage n'était pas à la hauteur du joueur qu'il était. Mais en même temps, peu de choses lui arrivent à la cheville, surtout pas les plaquages désespérés des joueurs qu'il a croisés. Par contre, j'ai encadré son caleçon qu'il portait ce jour-là. Antoine Fontanelle, la boucherie Ovalie. Et il y avait une vraie part d'émotion ce soir et de sentiments, c'est vrai. Alors c'est un, pour le coup, parce que j'ai vu moi l'élastique. Oui, c'en est un. C'est la marque. S'en est un. C'est la marque. S'en est un. S'en est un. C'est le fameux qu'on a pu voir sur les affiches. Enfin, parce qu'une origine. Les petits heures jusqu'à 19h. Parce que celui-là a dû prendre un peu cher quand même. Tu portes ce d'Aurélien, toi, le lendemain. C'est exactement comme les deux.